Je leur interdis d'occuper le moindre pouce de terrain de la planète bleue. Missile Gamma! Megavol! Planitron! Ah bon, c'est la bagarre que tu veux, j'adore ça! Transfert! Autolarme! Akidéo choc! Elle est plus coriace que les autres! Goldorak! Va combattre ton ennemi, il est moins vaillant que toi. Ulvonium! Goldorak pour notre vie. Fulguro point! Je suis sûr que tu vaincras. Toi, le prince de l'espace, le champion de la terre, tu vas sauver notre race. Donner la lumière pour l'amour des oiseaux, des fleurs. Va au diable, Goldorak! Tu seras vainqueur des géants, des méchants. Goldorak, tu es plus fort que les anges de la mort. Goldorak, go! Goldorak, tu es plus fort que la mort. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. Tous les vendredis dès 18h sur Fadjet, Destination Série. À ce moment précis, vous vous apprêtez à accéder à un nouvel épisode de votre émission Destination Série. Retrouvez Laurent, Benoît, Manon et Sylvain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Série, le 8e épisode de la 24e saison, le 842e numéro, 1975-2025. Goldorak a cette année 50 ans et dès le début du mois d'octobre et ça se poursuit tout le mois de novembre, il y a pas mal de sorties. Avec pas mal de belles petites surprises pour fêter les 50 ans d'un robot inoubliable et du célèbre prince Actarus. Et tout de suite, rapidement, je voudrais vous dire que l'intégrale de la série de 1975 est disponible sur France.tv, mais vous pouvez depuis quelques jours découvrir aussi Goldorak U, la nouvelle version produite par Go Nagai, la nouvelle version en VF. On l'avait découvert sur la chaîne Manga sur le satellite en version originale sous-titrée français pour ceux dont le japonais n'est pas encore au top. Mais là, pour découvrir la nouvelle version de Goldorak, Goldorak You, vous pouvez aller sur France.tv. Alors, vous pouvez vous faire plaisir. Vous avez la version originale de 1975 et vous avez la version 2024. Et moi, j'attends quand même, même si ma préférence reste pour la version des années 70, j'attends quand même une saison 2. J'espère qu'une saison 2 verra le jour pour que Goldorak You puisse continuer son aventure sur les télévisions du monde entier. Destination série, ce n'est pas que Bibi, c'est aussi Benoît. Bonjour Laurent et bonjour Sylvain. Innovation aujourd'hui pour ce numéro de Destination Série. Benoît a un micro qui fonctionne comme Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonsoir Laurent et bonsoir Benoît. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, le programme se devait, ça devait rester original et sortir des sentiers battus. Sauf que je me suis dit, on a déjà proposé une chanson inédite. Mais comme la deuxième vaut son pas en cacahuète, ça va être compliqué de passer à côté. Donc, Benoît, sois heureux. Ah, je suis heureux. Aujourd'hui, vendredi 14 novembre 2025, le périple Modern Talking 40 ans se termine avec la sortie du sixième et dernier album des années 80, In the Garden of Venus, avec un clip somptueux, magnifique, et de belles images, de belles couleurs. Et si Benoît est sage, vous aurez le plaisir de découvrir In the Garden of Venus, car pour cet album, ils ont repris le titre de l'album, du dernier album des Modern Talking, pour en faire une chanson. Donc vous découvrirez dans quelques instants In the Garden of Venus. Je serai sage comme une image. Mais avant, nous aurons bien sûr le rétroviseur 2.0, nous aurons notre secrètement vôtre, nous aurons notre cet actu, et nous avons notre Manon, qui cette semaine s'est bien fait plaisir. On a 4 fichiers, alors autant vous dire qu'il va falloir dropper pour les diffuser avant 19h45. Très bien. Si, moi je dis très bien. 19h45, je dis. Oui, bon. Pourquoi pas? Si on a une équipe forte et qu'elle peut faire 40 marches en un quart d'heure, pourquoi pas? Alors d'ailleurs, là on en est où là? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une émission, bah oui, l'équipe gagne. Bah là, ça veut dire que oui, là chaque équipe qui arrive surpasse celle qui était avant. C'est fou. Ah oui, c'est, et là attention, on a de la compète ce soir parce que on a un tenant du titre. Aha. Qui vient avec sa coupe. Aha. Donc voilà, il veut ramener la coupe à la maison. Et je salue Francis s'il nous écoute. Il nous écoute certainement d'ailleurs. Il va venir avec la coupe car il avait remporté la coupe de l'Académie Fadjet dans son temps. Ouais, mais si jamais il perd, tu vas pas lui repiquer sa coupe. Non, il l'a. Il la garde depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il l'a sur sa cheminée. Oui, voilà. Il est très conservateur, Francis, ouais. C'est très bien. Voilà. Et puisqu'on parle d'équipe. Exactement, tu vois, ramener la coupe à la maison, mais oui. C'est ce que d'autres vont essayer de faire, puisque nos Français, hier, ont battu l'Ukraine 4-0. Il s'agit de foot, bien sûr, parce qu'on a toujours une petite pensée pour le foot ici. Et Laurent m'a toujours laissé une petite place pour parler de mon équipe de France chérie. Eh bien, ils seront en Ukraine, ils seront aux États-Unis, au Canada ou au Mexique. Ça fera encore une belle... Ça va bien nous coûter cher, tout ça. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, on vivra encore foot en juin-juillet prochain et on aura l'occasion d'en reparler. Mais bravo, bravo les Français. Mais si on perd, parce que quand on participe à un jeu, il faut accepter de perdre. Oui. Au moins, on aura eu pendant X semaines un Donald heureux. Oui, c'est vrai. Hein ? La Coupe du Monde chez lui, il va bien... Bah, il la partage quand même. Je ne sais pas comment il a accepté d'ailleurs de la partager. Il devait pas... C'est pas lui qui a dû décider ça. Non, mais c'est pas lui qui a décidé. C'est pas lui qui a décidé, parce qu'il n'aurait pas partagé. Comment ça s'est partagé ? Oui, ça ne sera pas que aux États-Unis ? Ah bah non, c'est au Mexique et au Canada. 3 pays. C'est pour ça que je dis ça va nous coûter, enfin ça va nous coûter cher. Okay. Oui, pour la planète, hein, parce que là, au niveau ozone et au niveau c'est le continent américain dans son entièreté. Dans son entièreté, voilà. Mais je trouve ça beau, moi. Bah c'est beau, oui. Ça donne une unité pour un événement mondial. Voilà. Moi je trouve ça beau. 18h11. Allez. Le rétroviseur 2.0. Le Rétroviseur 2.0, c'est les 5 séries qui ont cartonné cette semaine. Et voici le casting dans le désordre, à vous de le remettre dans l'ordre. Donc cette semaine, nous avons SWAT, Alex Hugo, Désenchanté, Ghost, Fantôme en héritage, et Astrid et Raphaël, qui est 5e. SWAT. Ouais, j'aurais dit ainsi souhaite-t-il. SWAT. SWAT. Oui. SWAT est 5e à 2 028 000 téléspectateurs, 11% de part de marché. Pas beaucoup quand même, hein. Ça. Pas ça, beaucoup, ça, ça mais chute, hein. On était donc mercredi, et mercredi, on avait qui en face? On avait personne? Bon, on a la France un incroyable talent, mais je sais pas si c'est ça. Ouais. Qui... Ah non, c'est le mardi, non, même pas, qu'est-ce qu'on avait mercredi? Même pas, donc, mais il y avait quelque chose. C'était de... quoi mercredi, non? Bah, je... Non, il n'y avait rien de spécial? Il y avait quand même quelque chose qui a drainé l'audience. Faudrait rechercher. Une autre série peut-être, non? Bah, je pense pas, parce que l'autre non. série c'était Désenchanté. Et j'allais dire l'audience. Et c'est guère mieux. Donc Désenchanté, voilà, quatrième. Désenchanté. Alors Désenchanté. Quatrième. Ah oui, j'ai l'intuition, ouais, très forte. Ouais. Eh bien non, quatrième, c'est Ghost, Fantôme en héritage. 3 292 000. Hein, pour le coup. Allez, c'était diffusé lundi. Vous avez regardé? Bah moi j'avais déjà vu sur Disney. Bah franchement, moi j'ai bien aimé. C'est divertissant, c'est léger, ça marche. Ça marche, c'est léger. Alors, j'aurais pas mis 6 épisodes d'un coup. Ah ça. Parce que bon, voilà, j'aurais fait au moins 2 soirées, ça aurait été plutôt sympa. 2 soirées de 3, c'était bien. Bon voilà, mais ça marche, ça fonctionne, c'est plaisant. Pourtant, c'est un remake, hein, c'est une adaptation. Oui, mais j'avais vu la version. Pas de grand risque. J'avais vu la version originale. C'est une bonne adaptation. Oui. Ah oui. Oui, oui. Bon, moi, j'ai pas vraiment adhéré, mais bon, voilà. Donc, en 5e, on a SWAT. En 4e, on a Ghost, Fantôme en héritage, qui est 3e. Désenchanté. Bah oui, à peu près que là, oui. Désenchanté est 3e, 3 311 000 téléspectateurs. Qui est 2e? Alex Hugo. Donc il reste quoi? Alex Hugo et Astrid, et Astrid et Raphaël. Je veux qu'elle soit première, Astrid. Ah oui, déjà, la semaine dernière. Ah, c'est une erreur. C'est une erreur, là. Elle ne va pas nous faire deux fois la même erreur. Ah bah non, quand Alex même pas. Hugo, 2e. Bah non, bah oui, Alex Hugo, 2e. Oui. En 2e position cette semaine, Astrid et Raphaël. 4 215 000 téléspectateurs, 22% de part de marché. C'est et pas en possible. Pôle non. position, c'est vrai que, pff, Alex je Hugo. Pas. Moi non plus, parce qu'il n'y a quand même pas photo entre Alex Hugo et Astrid et Raphaël. Alex Hugo. 4 381 000 téléspectateurs. Ça se joue à combien, là? Et 23%, un peu plus de 23% de part de marché. Donc là, ça se joue à 100 000 téléspectateurs, un peu plus de 100 000 téléspectateurs. Surtout, il va y avoir un spin-off de Astrid et Raphaël. Ah oui. Donc ça veut bien dire que ça marche quand même. Et oui, et oui, oui, oui. Parce que quand même, c'était pas loin des 5, ça faisait même 5, non, Astrid et Raphaël? Oui, oui, oui, ça faisait 5. Où sont partis les... Alors là, ils ont changé de jour? Non, ils ont pas changé de jour. Non, c'est non. toujours le vendredi. C'est toujours le vendredi. Ah, est-ce que la Starac ferait un peu de l'ombre à Astrid et Raphaël? Bah, quand tu vois la quotidienne, comment elle draine l'audience, hein, oui, peut-être. Parce que ça que... fait quand même plusieurs. Oui, ça fait oui, deux... oui. oui c'était vendredi, la semaine, oui, la ça, semaine d'avant. Ça affaiblit quand même, oui. Peut-être. Oui, ouais. Non, mais il y a. Là, je trouve que de saison en saison, on avait une précédente Starac qui faisait des hauts et des bas, et là, il y a quand même une constance. Ah oui. Voilà ce qu'on pouvait dire du côté du rétroviseur. Donc en pole position, on a Alex Hugo. En 2e, Astrid et Raphaël. En 3e, Désenchanté. En 4e, Ghost, Fantôme en héritage. Et en 5e, SWAT. Alors la diffusion en rafale de Ghost, Fantôme en héritage. Bonne idée, mauvaise idée. Moi j'ai dit mauvaise idée. J'aurais fait 2 soirées, perso. Mais oui. Mais bon. Les gens n'ont même pas le temps. S'ils loupent là, ils ne verront pas la semaine prochaine. Ah, oui, et ils n'iront pas sur le replay. Pas, voilà. Non, mais je le dirai jamais assez. Il faut arrêter avec les mauvaises idées. Là, c'est peut-être une mauvaise idée, mais je m'en fous. J'ai envie de diffuser. Donc on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau Secrètement Vôtre. Mais là, pour l'instant, j'avais annoncé la fois précédente que c'était un dernier inédit. Oui, oui. Là, j'avoue Mais je m'attendais pas. Oui, mais c'est pas de ma faute, Benoît. Il y avait pas de clip. Je me suis dit, bon, on arrive à la fin. Ils sont pas obligés de faire un clip pour le final. Oui. Et voilà, ils sortent un single. Bon, bah, c'est bon, c'est le dernier. De toute façon, le coffret arrive. Et là, il y a 2 jours, l'info tombe. Comme quoi, oui, ah, ils entendent des voix. C'est normal, cette semaine, il y avait Fantôme en héritage. Et, oui, et donc, là, cette semaine, l'info tombe, un clip va être dévoilé vendredi avec cette nouvelle chanson. Alors, ça se veut des années 80, mais c'est une chanson inédite qui reste dans l'esprit des tubes des Modern Talking, produits de 1984 à 1987. Tom Anders chante les Modern Talking avec ce titre inédit, In the Garden of Venus, extrait du dernier album paru en 1987 et réédité là aujourd'hui. Il vient de sortir pour le plus grand bonheur de ses fans, c'est à préciser. C'est vrai que la pochette est magnifique par contre, l'image est super belle. Ah bah voilà. Oui, depuis le début. Dans l'esprit toujours des pochettes allemandes des années 90. Et chose que j'avais oubliée, parce que j'en ai tellement, j'ai retrouvé un coffret collector, et c'est vrai que précédemment j'avais dit que je n'avais pas les vinyles avec les pochettes d'origine allemande. Mais au début des années 2000, ils avaient sorti un coffret collector avec tous les CD, alors les vinyles en version CD, avec les pochettes d'origine. Ah. D'ailleurs, j'ai pris une photo, là, je te montrerai, et ça va te rappeler des souvenirs. Mais moi, je les ai, hein. Oui, oui. J'ai les pochettes. Donc, moi, je les ai, mais en version CD. Ah, oui. Et t'as vraiment les pochettes originales, et non pas leurs deux têtes, comme dans la version française. Mais c'est sûr que ça faisait vendre, ça. C'est-à-dire qu'en France, les dirigeants des maisons de disques pensaient qu'il fallait que leur tronche soit sur les pochettes et que, voilà, une Cadillac avec des triangles, avec des boules, ça faisait pas... Surtout qu'ils se démarquaient à l'époque, parce qu'ils étaient les seuls à faire ça. En Allemagne, il y avait très peu de... Oui. Quand vous alliez chercher des disques en Allemagne... À 100 mètres, vous repériez de loin, vous pouviez dire, ah bah ça, c'est les Modern Talking. Alors, un coup c'était bleu, un coup c'était vert, enfin non, je sais pas s'ils ont fait des pochettes vertes, je crois pas. Bleu, noir, bleu. Il y a eu du rose, ouais. Enfin voilà, mais on savait que c'était ça, et il y avait une empreinte visuelle qui n'a jamais eu en France. Mais les Français sont... Ouais. C'est vrai qu'il y a rarement d'empreinte visuelle sur des disques en France. Hein. Quoique, en France, moi je me souviens de In the Middle of Nowhere, il est noir, avec une pyramide, avec des éclairs en haut de la pyramide. Ah, c'est vrai, exact. Et je me souviens que, alors maintenant c'est Carrefour, mais on va citer Auchan et puis Prise Unique, mais je me souviens qu'à Cora Oudemont, à l'époque, t'avais des rayons vinyles immenses, et quand sort In the Middle of Nowhere, sur 3-4 étagères, en descendant, tu avais que les fameux albums qui venaient de sortir, et pour tous les artistes. Donc c'était une mise en avant énormissime que maintenant on n'a plus. Tout de suite, dans Destination Série, voici Secrètement Vôtre. Il faut que je retrouve mon papier, car j'ai un papier à lire, comme chaque semaine. Alors, ce soir, dans Secrètement Vôtre, on va parler d'histoire où l'élégance flirte avec le danger. Et où l'instinct animal n'est peut-être pas qu'une simple métaphore. J'allais dire métamorphose. Des destins qui se croisent entre glamour et griffes acérées, entre mystère et transformation. Deux univers bien différents, mais un même goût du risque et du secret. Alors attachez vos ceintures, ou vos colliers, selon votre nature, car Sylvain vous entraîne là où le luxe et la sauvagerie se frôlent sans jamais vraiment se reconnaître. C'est l'heure de Secrètement Vôtre. Une minute, j'arrive, une minute. Oh. Allô ? Oui, j'écoute. Que fait-on ? Il faut avoir l'air naturel. Chut. Pas de bruit. T'es prêt ? Ah oui. Viens, ton Altesse. Qu'est-ce que tu fais ? Je barricade la porte avant leur arrivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Si jamais, je vais mourir propre. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas. C'est mon cœur. Et maintenant, on retrouve la rubrique « Secrètement Vôtre » présentée par Sylvain. Bienvenue dans « Secrètement Vôtre ». La chronique qui farfouille dans les coulisses des séries comme les chats de Laurent dans un carton vide. Ici, on révèle les secrets que même les figurants n'osent pas murmurer à la cantine. C'est parti. L'amour du risque, Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. L'amour du risque, c'est vraiment leur grande affaire. Et en plus, on a une version longue, ça va être très très long pour vous si on chante tout. C'est trop excellent. Ah, ça, on peut chanter. Hein. Là, il n'y a pas de souci. On peut faire l'a cappella et on vous chante presque les paroles par cœur. Hein. À l'époque. C'était l'époque du générique. Voilà. Ça va faire des génériques tout ça. Arrêtez, on radote, Laurent. On dit toujours la même chose. Pourtant, la version américaine, ça ne plaît pas pour l'amour du risque, bien évidemment. C'était un jeu de mots. Art to art. Art to art, c'était sympa. C'est aussi un jeu de mots. C'est cœur à cœur. Heart, heart to heart. Oui. Heart ou heart. En fait, heart en anglais, le cœur se dit heart. Voilà. C'est pas heart, c'est heart, c'est la prononciation. Ouais, pour c'est là le jeu de mots. Voilà. C'est pas très. Ça parle pas au français en fait. Voilà, donc j'utilise mon franglais pour essayer de montrer que l'écriture et le nom de famille, voilà, ça a permis le nom de cette série. Exactement. Et dans la version originale, d'ailleurs, on en parlait avant l'émission, le générique n'est pas la même musique. C'est une musique qu'on entend un peu plus loin en fond, on l'entendra tout à l'heure, et c'est le majordome Max qui parle de ses patrons et qui les présente. Lionel Stander, qui malheureusement nous a quittés en 94. Petite pensée aussi pour février, pour les 2 février. Oui, il y a eu 2 février dans le... Oui. Fais gaffe, puis, on va lui griller ce qu'il a peut-être. Voilà, on a terminé. Et puis bien sûr. C'est là, ça le problème, genre, quand on parle d'une série où les deux connaissent à fond, on va lui lever tous ces. On faut se taire. Il faut lui laisser parce qu'après, on va. Bah, je me permets quand même d'envoyer de tendres pensées à Robert Wagner et à Stephanie Powers. Qui sont encore parmi nous. Qui sont encore parmi nous. Et moi, je garde. J'ai une affection particulière pour ces deux acteurs qui nous ont tant diverti, et tu vas peut-être le dire, donc je ne le dis pas, mais voilà, la série s'est arrêtée pas à cause de l'audience. Voilà, tu peux y aller. Merci. Donc, pour l'amour du risque, comme on le disait, a commencé en 1979, pour 5 saisons et 110 épisodes. On a été gratifié quand même de 8 téléfilms, dont 3 inédits en France, qui n'ont jamais été doublés. Jamais. Et même encore à l'heure d'aujourd'hui, bon, mystère. Ça me permet de féliciter le PAF, le visuel français. En même temps, je ne suis pas sûr que Dominique Paturel soit disponible, donc ça aurait été difficile. Bah mais oui, bon. Mais il y a une époque où voilà, ils auraient pu le faire, parce que ça date des années 90 quand même, ces téléfilms. Hein. Mais l'IA peut peut-être résoudre ça, on ne sait pas. Oui, mais alors ce ne sera pas Dominique. Ben non. Voilà. Mais ce sera peut-être une manière de l'honorer. Ouais. Donc, bien sûr. Je me permets de te couper. Non, mais cette musique-là, elle est dans la série. C'était le générique, en fait. Mais quand il y a des scènes de course-poursuite avec les voitures. Mais c'est le générique, en fait. Oui, bah original. Oui. Alors, bien sûr, on a reconnu le couple de charme, on ne le présente pas, ces millionnaires qui mènent une double vie, la vie de luxe, les voyages, mais ils résolvent aussi des crimes. Lui est pilote d'avion, elle est journaliste, et ensemble, ils sont attirés par le mystère, le danger et l'aventure, tout en conservant, bien sûr, un style glamour et un chien fidèle nommé Février, et en anglais, il s'appelle... c'est plus dur, ça. Il s'appelle Freeway, en anglais. Ouais. C'est très proche de Février. Ouais. Ils ont gardé l'analogie. C'est Freeway. Comme c'était pour la prononciation, pour le mouvement des lèvres. Exactement. Ils étaient quand même pas trop bêtes pour ce truc-là. Donc, Freeway, c'était le chien Février, en français. Au niveau du casting, le rôle du mari, en fait, qui est joué par Robert Wagner, était envisagé au départ par Gary Grant. Mais il était un peu âgé à l'époque. Il avait 75 ans et il avait déjà pris sa retraite. Mais il pensait à lui pour le rôle, bon... Ça aurait été aussi surprenant, mais peut-être un peu trop âgé pour le rôle avec l'action. Oui. La villa des Hart était l'ancienne maison de Dick Powell et de June Allison. Alors, ils ne sont pas forcément très connus parce que c'est des acteurs un peu anciens qui ont fait beaucoup de films noir et blanc. Dick Powell nous a quittés en 1963 et June Allison en 2006. Et la maison se situait à Mandeville Canyon à Los Angeles. Donc là, pour le coup, on ne s'est pas expatrié au Canada, comme beaucoup de séries. Donc le chien, je disais, s'appelait Freeway, c'était la race Lotion, alors je ne sais pas comment on le dit exactement, il y a des trémas un peu partout, c'est en fait ce qu'on appelle les petits chiens, le lion, et il avait été recueilli dans un refuge, alors le premier s'appelait Charlie Gray, le deuxième, je n'ai pas son nom, mais le premier s'appelait Charlie Gray, c'est son nom d'origine. Voilà. Ok. Voilà, c'est pour les petites anecdotes. Le titre original, c'est Art to Art, ça on en a parlé, et en France, c'était connu pour l'amour du risque. Le majordome Max, qui est donc incarné par Lionel Stander, avait été précédemment sur une liste noire, il faut le savoir, au niveau d'Hollywood, il était blacklisté. Et il a été casté quand même pour le rôle de serviteur. Alors, pourquoi il a été blacklisté? En fait, dans les années 50, c'est à cause du McCarthyisme, il a été inscrit sur liste noire, et il a dû quitter le pays. Et il a pu re-rentrer grâce à Roman Polanski, qui l'a aidé à relancer sa carrière. Et bien lui a fait, puisqu'il a incarné le majordome des Hart. Parce qu'il a eu quand même une belle carrière précédemment dans le cinéma. Et il a failli pas la faire, en fait, parce qu'il avait été effectivement obligé de quitter les États-Unis à une mauvaise époque des années 50. Il était blacklisté à Hollywood. C'est pareil, hein, quand t'es blacklisté, ça sent pas bon. Le titre original ne s'appelait pas Art to Art, ça s'appelait Double Twist, Double Twist. Ah ouais, Double Twist. Là, je savais, ça, on le savait pas. Ça. C'était écrit par Sidney Sheldon dans les années 70. Mm-hmm. Voilà, c'était Double Twist, le titre premier pilote réel sur les comment dire. Mais normalement, c'est Aaron Spelling qui est derrière ça. Tout à fait, bien Aaron Spelling exactement, qui a également il y a Aaron Spelling, oui, mais en fait, je voulais parler du styliste en fait, Nolan Miller. Qui est devenu célèbre pour Dynasty parce que c'est lui qui a travaillé sur les garde-robes de Dynasty et il a travaillé aussi sur l'amour du risque. Alors, Nolan Miller dans Dynasty, alors pour l'amour du risque, c'est magnifique. Mais du côté de Dynasty, ça a été une dinguerie. Ben, je pense qu'il s'est fait ses dents sur l'un pour faire mieux sur l'autre. Pendant 9 saisons dans Dynasty, mais je l'ai déjà dit dans Destination Série, la règle, une des règles à respecter, c'était une scène, une robe. C'est chaque actrice mettait une robe une fois. Christelle Carrington, tu la vois jamais avec la même robe. Alors Alexis, encore moins. Voilà, faisait la mode à l'époque. C'était une époque de divertissement dingue. Tout à fait. Et concernant les acteurs principaux, eh bien, ils se sont mariés dans la vraie vie, puisque Robert Wagner s'est marié avec Stephanie Powers, mais après la série. Et on a eu quand même, comme on le disait tout à l'heure, 8 téléfilms qui sont quand même sortis en 93, 94, 95. Mais malheureusement, il y en a un en 95 et deux en 96 qui n'ont jamais été doublés en français. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le pourquoi du comment, je ne sais pas. Personnellement, je ne les ai pas vus. Parce qu'à l'époque, ils ne diffusaient pas de VO. Bah, en plus, on n'a jamais trop su pourquoi. Hein, on n'a jamais trop su pourquoi. Bah, TF1 avait diffusé les premiers téléfilms. Voilà. Il y en a eu 5. Et pour une raison obscure, voilà. Le doublage des suivants n'ont pas été faits. Moi, ce que je voudrais dire, c'est, je l'ai dit de nombreuses fois, mais c'est un plaisir pour moi, c'est que quand tu arrives à la 5e saison, tu es là devant ton écran, tu es toujours aussi capté par la série, parce que les deux ensemble, c'était magnifique. Il y avait une alchimie, tout à fait. Il y avait une alchimie, mais à un moment donné, tu disais aux gens, dès qu'ils débarquaient dans l'épisode, tu leur disais « Non mais barrez-vous, les Hearts sont là ». C'est-à-dire que quand les Hearts sont là, il y a soit un meurtre, un kidnapping, ou quelqu'un se fait tirer dessus. C'était dangereux. Et le chien février, c'était un vrai personnage. Et je l'ai déjà dit aussi, mais c'est tellement un bonheur. Et là, je l'utilise en ce moment pour moi, car je me suis acheté une clé USB pour pouvoir aller à la radio et emmener mes fichiers. Et donc, t'as donné un nom à ta clé ? Je n'ai pas donné un nom à ma clé, mais j'ai eu cette pensée, cette phrase que Jonathan Hart a pour février à un moment donné. Robert Wagner, qui joue donc Jonathan, à un moment donné, voit devant lui février qui est en train de déchiqueter une cravate. Et au lieu de s'énerver comme n'importe qui, il regarde son chien et il fait à Jennifer. Et en plus, il a des goûts de luxe. Donc moi, quand ma clé USB cette semaine a pris le bus, je me suis dit, et en plus, les deux filles ont des goûts de luxe. Oui, elle encore. Elle a encore pris le bus. La clé USB ? Oui. Oui, alors cette fois-ci, c'est les deux chattes hein, qui ont embarqué la clé. Ok, ça c'est pas... Donc, je ne sais pas où elle est, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Certainement sous un meuble, je ne sais pas où, mais voilà, mes deux chats ont des goûts de luxe. Elles jouent avec des clés USB. Donc, ça m'a permis, tu vois, cette série, d'avoir une pensée pour Robert Wagner, pour février, et de ne pas m'énerver. Je te laisse prendre la suite. Ben, c'était terminé. En fait, c'est juste pour conclure que cette série, effectivement, mêlait aventure et luxe et que c'était surtout un duo qui prouve que l'amour, parfois, peut-être la plus belle des affaires, même quand on mène l'enquête. Et là, on enchaîne. Et là, c'est encore une série que je vais adorer ou pas ? Il y a des chances. Je vais crier ? Peut-être. Jesse Chase. Belle situation, jeune, beau garçon. Un homme qui a un avenir des plus brillants. Et un passé des plus obscurs. Des replis les plus profonds de l'Afrique, aux sommets les plus élevés du Tibet. Héritier du savoir de son père et des sombres mystères de l'univers. Mon fils, il faut avoir la foi et apprendre. Ceci n'est pas la fin, c'est le commencement. Jesse Chase. Le maître des secrets qui ont séparé l'homme de l'animal. Et l'animal de l'homme. L'homme-animal. Ouais, donc la réponse est dans le titre. Et là, l'animal, voilà. Ouais. Alors, on avait trouvé avant. Ouais. Cette série-là, même si les années ont passé et que les trucages ont vieilli, un peu. Elle a toujours le même charme. Et on se pose toujours la question, mais... C'est quoi ces séries des années 70-80 où le héros se transforme et... Ils n'avaient pas les moyens pour le faire en plus, c'est ça et... qui est génial. Oui, ils n'avaient pas les moyens, mais il y a quand même un truc qui m'a toujours épaté, et ça fonctionne aussi avec Hulk. Oui. C'est-à-dire que le mec se transforme en costard, il devient un aigle, une vache, un cheval, et après on le retrouve en fringue. Mais quand il se transforme, où passent les fringues ? Parce que le mec, il fait quand même des bornes, et il retrouve ses fringues. Donc ça veut dire que les fringues sont incorporées dans le... Alors, parce qu'il faisait 1m80 quand même, Simon McCorkindale, qui fait Jonathan Chase. Donc le costume quand même est assez important. Et à un moment donné, il se transforme en aigle. Bah, même quand il redevient humain après l'aigle, il a de nouveau le costard. Mais ça veut dire que t'as déjà admis qu'il pouvait se transformer en aigle, donc il peut récupérer ses fringues. Hein. Si t'admets la première partie, la deuxième largement. Dans les années 70, tu chipotes là. Quand Hulk se transforme. Ouais, mais tu chipotes. Ouais, mais ça m'a jamais choqué, non, moi. Le bas de pantalon explose, la chemise s'en va. Est-ce que c'est la logique que tu cherchais non. Bah non, il y avait. Non, mais ça m'a toujours épaté. Je trouve que pour l'époque, ça le faisait. Mais ça marche, voilà. C'est vrai que ça, c'était magnifique. On se disait, purée, ça y est, on va voir la panthère. Mais oui, là. Hop. Alors, quand même, il a fallu quand même se concentrer parce que Manimal, c'est une saison et 8 épisodes. Et oui, on en a déjà parlé à une époque. Et moi, c'est une série pas loupé quand c'était. Qui nous a tellement marqué C'est ça, c'est comme l'Atlantide, c'est très court et ça marche. Et 8 épisodes, on a l'impression de... D'avoir vu... 15, 20, 30... Mais non, on a vu que 8 fois cette transformation Alors on va y venir. En aigle ou en... Il faut arrêter de parler. Mais oui, parce que je sens la passion, mais je réveille la passion chez vous. Par épisode, il y en avait plusieurs, des transformations. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai une petite pensée aussi pour Melody Anderson, qui était la touche charme de la série. Et à côté, il y avait donc son acolyte, Michael D. Roberts. Qui lui était là pour se prendre des chambres de porte, des trucs, c'était un peu compliqué pour lui. Alors, à chaque épisode. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand même, on va peut-être expliquer un peu ce que c'est cette série. Manimal. C'est un homme riche. Alors, attention, l'année, c'est 1986. C'était après l'amour du risque. Donc, 1986, une saison, 8 épisodes. Donc, Manimal, c'est un homme riche, brillant, séduisant, qui possède un don spectaculaire, se transformer en animal pour aider la police à résoudre des crimes. Entre aventures, pouvoirs animaux et atmosphère sur le bord des années 80, la série mixe fantastique et enquête policière dans un concept original, mais court, malheureusement pour nous. Dans les anecdotes, bien sûr, et les secrets, il y en a quelques-unes, mais même si il y a 8 épisodes, donc ça c'est malheureusement une des causes de l'arrêt de la série, c'est les audiences comme d'habitude, mais là 8 épisodes, je pense qu'ils ont battu un record quand même. C'est vraiment pas beaucoup pour une série. Dans l'épisode pilote, ils ont même réussi à changer d'acteur. Donc on a même réussi à avoir un acteur. Ils ont eu le temps de le changer avant la fin. C'est incroyable aussi. Le rôle, effectivement, de l'acolyte de... Alors, j'ai du mal avec les noms. De Simon McCorkindale. Donc le rôle de Ty, qui était joué par le premier épisode par Glyn Turman, a été remplacé ensuite par Michael D. Roberts. Voilà. Donc là, déjà, ils avaient refait un nouveau record. La série, effectivement, est signée Glenn Larson. Ouais. Tout ça, quand tu m'en as parlé tout à l'heure, j'ai bugué parce que je savais que j'allais en parler, mais c'était pas dans la bonne rubrique. Donc, c'est effectivement... Glenn Larson, qui avait fait L'Homme qui tombe à pic, Battlestar Galactica... Magnum... Que des trucs inconnus. Ouais, mais voilà, dans les années 80... Ça aussi, on a pu... Dans les années 80, on avait Glenn Larson qui enchaînait les perles, on avait Stephen G. Cannell, j'en parle même pas, on avait Aaron Spelling, qui lui aussi, alors les dynasties, drôle de dame, Star Hutch, Vegas, lui c'était on veut ABC voulait une série à succès, Aaron Spelling il fait quoi, et c'était une dinguerie une idée, une série tout le temps, ouais. Et dans les effets spéciaux, alors ça c'est ça qui est amusant, parce que tout à l'heure vous disiez ouais il se transforme en truc en machin, mais en fait la promesse c'était qu'il se transforme en n'importe quel animal, mais en vérité à l'écran on a vu que faucon, panthère noire et serpent, et c'est tout. Ah ouais. Comme quoi, dans l'imaginaire, c'est ça qui est très fort. Ils ont réussi à nous faire croire qu'ils pouvaient faire 10 trucs et il n'en fait que 3, en fait. On n'a pas vu plus que 3, si tu te rappelles. C'est génial. Il n'y a que les 3, là. Et encore le serpent, je pense qu'on a eu de la chance parce que ce n'était pas le plus simple. Oui, parce que l'intelligence des scénaristes, c'était vachement bien écrit. Hein. À un moment donné, je crois que c'est le dernier épisode, ils nous font croire qu'ils se transforment en ours. Oui. Mais en fin de compte, non, c'est un vrai ours. Exactement. Oui, parce que dans les images, effectivement, on voit un ours, mais non. Voilà. Et tu as raison. Alors, bien sûr, c'était très critiqué, souvent classé parmi les pires séries de science-fiction américaines de l'époque, d'où les 8 épisodes, encore une fois. Alors, il y en a eu quand même le temps d'avoir des jouets, des figurines, ce qu'on appelle des rag toys, et c'était vendu en magasin qui mettait en scène les transformations du héros. Comment ils ont pu faire ça avec 8 épisodes, une saison? Moi, ça m'épate ce qu'ils ont réussi à faire. Certainement qu'ils s'attendaient à un méga succès. Bah, voilà. Ils avaient fait ça en amont. Je me souviens, par rapport à ce que j'ai dit, là, on nous fait croire que... À un moment donné, Melody Anderson, elle a un serpent dans la main. Oui. Elle parle au serpent. Et à un moment donné, elle le voit arriver. Elle est persuadée que c'est Jonathan qui est en serpent. Et il arrive derrière. Il arrive derrière. Il a un serpent dans la main. Alors, vous n'avez pas peur des serpents? Non, mais c'était... Mais je ne comprends pas pourquoi ça n'avait pas marché, en fait. C'est vrai que ça avait tous les ressorts. Et puis, il y avait tous les ressorts. Il n'y avait pas de... C'était pas une copie, il n'y avait pas d'autres versions. Il y avait tout pour plaire. Ouais, c'est bizarre. Je ne comprends pas. Effectivement, je pense qu'ils avaient trop investi financièrement avant. Et comme ils ont vu que c'était pas à la hauteur de l'audience qu'ils attendaient, ils ont tout arrêté très vite, quoi. Ou qu'est-ce qu'il y avait en face de la... Je pense que c'est ça, parce qu'à l'époque, dans les années 80, il y avait quand même... Beaucoup de choses. Il y avait des mastodontes. On n'avait pas l'Internet, les plateformes et compagnie. Et en face, il y avait des gros morceaux. Donc, quand les séries arrivaient pour rivaliser avec une série qui était installée depuis 3-4 ans, comme L'Homme qui tombe à pic, Dynasty et j'en passe, c'était compliqué pour les nouvelles productions. Donc je vais m'arrêter là parce que je savais que ça allait déborder de ouf avec ces deux séries. Mais bon, voilà, mais c'est quand même une série culte. Mais tu as touché le cœur de tes deux partenaires avec deux séries. Tu as fait coup double et quadruple. Et c'est ça que j'ai envie de faire aussi dans cette rubrique, c'est de rappeler la nostalgie d'époque, de choses, bon, peut-être plus marginales parfois, ou qui me plaisent moi. Mais je sais aussi que j'ai des bons clients en face. Et je sais qu'il y a des séries passion qu'on ne peut pas oublier. Mais à la rigueur, si tu as des choses que tu n'as pas dites, on pourrait très bien les placer sur le site. Oui, mais je sais qu'on déborde tout le temps, et surtout sur ces choses-là, j'avais vraiment fait court exprès. Donc, ok. Voilà. Non, mais moi, ça m'intéresserait que tu farfouilles encore du côté de l'animal. Et tu peux faire un part 2. Vous savez pas dire que je ne referai jamais les séries que j'ai déjà au cinéma, il nous avait dit une trilogie. Oui. Maintenant, on se retrouve avec un épisode 2 en deux parties. Donc, il pourrait nous faire une prochaine rubrique avec Manimal, partie 2. Oui, enfin, à 8 épisodes, j'aurais pas beaucoup de matière, malheureusement. Ça va être vite fait. Mais c'est pas grave, on comble. Il va nous créer un 9e. Oui, mais non, mais c'est pas grave, on comble. On c'est comble, nous. Voilà. Tu donnes un timbre-poste à Benoît, il te fait une heure. Il n'y a pas d'animateur radio en même temps, non c'est... Alors là, je sais pas. Lui, il a 25 ans de radio, il est plus âgé que moi. Bah d'accord, alors. Depuis le temps que je le dis. Allez. Enfin, voici, voilà. Voici. Ça me rajeunit, du voici coup. Voici le moment tant attendu de Benoît. Ah oui. Non mais c'est pour ça, le générique. Et oui, c'est pour ça que j'ai voulu jeter le doute. C'était trop beau. Mais bon, là c'est les 50 ans de Goldorak. Donc tu vas choisir. Ah donc c'est un mur des hits spécial Goldorak. C'est ça. D'accord. Donc on n'en aura pas beaucoup. Hein. Il y aura un numéro quoi dit. Il n'y en a pas beaucoup. Du mur des hits. Du mur des hits, il n'y en aura qu'un. Donc, C'est dommage parce qu'il y a eu 9 génériques. Oui, non, mais je ne donc, il y a de quoi faire une émission bon, entière. Allez. Donc là, tu as le choix entre le générique japonais, la légende d'Actarus va combattre ton ennemi, l'aventure continue, la chanson de Noam, la chanson de Bernard Minet. Vu que voilà. Noam, j'aimais bien ce chanteur Noam. Ouais. Donc, je le dis à chaque fois d'ailleurs que tu me parles de Goldorak. Je vote pareil. À chaque fois, j'ai adoré Noam, ce chanteur. Nous allons sélectionner. Je ne sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs, Noam. Ah bah il continue. Hein. Il fait toujours des conventions. Voilà. Donc Benoît a choisi Noam. La casse s'ouvre. Ce qui est bien, c'est que maintenant, on ne choisit plus des numéros, on choisit des chansons. C'est le mur des hits 2.0 aussi. Bah, c'est-à-dire que Thomas bouscule pas mal, donc on s'adapte. Je crois que si j'ai bien compris, c'est le dernier jour, hein. Sylvain. Par rapport à Demanders. Attends, il peut peut-être encore nous en trouver. Oui, il peut encore avoir. Quand même, il y a une compile, un truc qui sort. Il y aura encore un truc au moment de la sortie. Les versions longues. Des live, longues. Peut-être. Non, mais moi, j'ai dans l'idée de faire un classement. C'est comme à l'époque du Club Dorothée. On classait les chansons du nouvel album de Dorothée. Goldorak, s'il te plaît, Noam. On veut écouter Noam. Parce qu'il y a Manon qui presse derrière. Alors, ce générique de Noam n'aurait jamais dû exister. Oh. Mais à un moment donné, le premier générique, qui était une pure traduction du japonais, a dérangé les dirigeants d'Antenne 2 à l'époque. Parce que dans le premier générique, il y avait le mot « race ». Donc à un moment donné, on a demandé à un autre producteur de 45 tours de produire un nouveau générique. Donc en juillet et août, on a eu donc la pure traduction du générique japonais en français. Mmh. Et dès le mois de septembre, parce que Jacqueline Joubert, à l'époque, n'en voulait pas de ce dessin animé-là, elle s'est dit, je le diffuse l'été, et comme ça, on passera à autre chose. Manque de bol, en septembre, c'est un énorme carton, la presse en parle en long et en large, et elle est obligée de commander les épisodes suivants, de les doubler, et là, donc, elle est obligée de créer un nouveau générique qui enlève cette problématique qui avait été créée pendant 2 mois. Et ça donne ce générique qui reste cultissime. Il traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant. Goldorak. comme un soleil éblouissant. Qui est-il? D'où vient-il? Ce merveilleux génie de l'infini. Il est né d'une galaxie aux frontières d'une autre vie. Qui est-il? D'où vient-il? L'invincible robot. D'ailleurs, à un moment donné, quand on a enfin une sortie officielle de la série en DVD, c'est ce générique qui sera choisi par le groupe AB à l'époque pour donc illustrer les génériques de l'intégrale de Goldorak. Tout de suite, le 7 Actu passe de nouveau à la trappe. Alors, oh. On peut juste annoncer quand même, mais quand même le générique, qu'on parle quand même de la série. Là, il est 49. Alors, il faut que je retrouve le générique. Ah. Bah alors, il faut parler quand même de Pluribus. Oui. Que tu as mis, c'était l'info un peu flash et un peu phare de cette semaine, ça, ouais. Qui cartonne actuellement un peu partout aux États-Unis et qui est arrivé déjà depuis le 9 novembre. On a 3 épisodes. On est à 3 épisodes. Et alors, c'est fait par celui qui avait déjà fait Breaking Bad, Better Call Saul, et c'est lui qui est aux manettes de cette série Pluribus. Je veux dire, à chaque fois que je dis Pluribus, je veux dire Superbus. C'est rien à voir avec le groupe. Et donc, c'est de la science-fiction, mais assez particulier. C'est un concept innovant. Concept innovant. C'est de la science-fiction où on tombe dans un monde où tout est bien. Alors, pour la dire autrement, ouais. Ils deviennent tous des zombies, mais gentils. Voilà, c'est ça. C'est un univers où tout le monde est gentil, sauf... Des personnes immunisées, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a moins de 15. Et il y en a surtout une romancière qui, elle, est tout sauf gentille, cynique et désagréable, qui va même jusqu'à mépriser ses propres lecteurs. Et elle résiste à cette contagion. Et voilà, elle va devoir trouver un remède. C'est un peu le but de cette série, pour se libérer de cette communauté. Donc c'est un peu... The Last of Us à l'envers. Enfin, oui, en plus de conscience collective, oui, ils savent tous la même chose. Ils mettent en commun leur savoir au service des personnes qui sont immunisées. C'est ça qui est complètement aberrant. C'est-à-dire que ça devient leur serviteur pour la dizaine de personnes qui n'est pas infectée. Eh bien, ils sont à leur service. Donc, il y a des millions de personnes qui servent 5 personnes sur Terre. Enfin, 5 à 10 personnes sur Terre. C'est un concept complètement à l'envers, mais ça les révolte. Il y en a qui sont révoltés, d'autres qui sont contents, bien sûr. Mais c'est tellement nouveau comme idée que ça fait cartonne. Mais ils sont zombies. Non, alors ils sont zombies parce qu'ils ont perdu leur identité propre. Ils s'en souviennent, mais ils mettent tout en commun, toutes leurs connaissances, que ce soit médicales, scientifiques, littéraires. Ils mettent toutes leurs connaissances en commun pour servir les personnes qui sont immunisées. Et en fait, c'est les zombies qui cherchent à remettre pour les contaminer. Voilà, parce qu'ils veulent faire... C'est incroyable, ouais. c'est très bizarre comme concept. J'ai du mal à... Eh bien, faut regarder. Ouais, t'es entouré que de gens bienveillants qui sont là pour t'aider, pour tout faire. Donc, en flash, je voudrais dire quand même que lundi, si je ne me trompe pas, oui, c'est lundi, il y a quand même un événement. Oui, c'est la nouvelle série de TF1 Menace Imminente, avec dans le rôle titre... Patrick Bruel. Voilà, donc là, c'est quand même quelque chose. Et quelques images qu'on a vues, il en impose. Hein, voilà, la bande-annonce, qu'est-ce que ça va donner? Bon, rappelons que Patrick Bruel est un très grand acteur, donc il n'y a pas de raison qu'il n'habille pas la peau de ce personnage. Et c'est quand même étonnant. Patrick Bruel, dans une série, il m'a fallu plusieurs fois pour regarder l'image et puis être sûr du truc. Hein. On regardera, on en parlera. Voilà. Est-ce que c'est pas une IA? Parce que c'est assez étonnant. Hein. Est-ce que ce serait pas le Manon Séréquise? Ouais. Eh bien, écoutez, en parlant du Manon Séréquise, je le voici là toquer. Maintenant. C'est une menace imminente. Oui, parce que, si jamais on rate le Manon Séréquise... Vite, autrement on va avoir mal aux oreilles. Destination série, le Manon Séréquise. Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de la saison 3 du Manon Série Quiz. Je rappelle les scores avant de commencer. Nous sommes à 9 pour Sylvain, 5 pour Benoît, 3 pour Laurent. Les deux loulous sont à la traîne. Je veux bien que Sylvain gagne, mais j'avoue que j'aimerais bien qu'il y ait une petite compète. Bref, je commence direct avec la première question. C'est un générique. Trouvez-le grâce à ça. En plus, on n'a pas d'indice. Hein. Ah, si, t'as la musique, mais... C'est pas ces plateformes ou pas, tu vois. C'est une musique qui me dit quelque chose. C'est Ghost... Non. Fantôme en héritage. Ouais, je... Non, y a pas... Y a pas... C'est pas ça. C'est pour vrai, mais bon. Désenchanté. Moi, je pense pas avoir vu. Je dois connaître, mais j'ai pas vu. Et la musique me dit quelque chose, donc c'est quelque chose que j'ai dû voir. Alors, plus que 9 secondes. Non, moi, je donne ma langue. Ouais, vas-y. T'as deux chances de gagner. Oui, t'as deux chances. T'as deux chances. Allons-y. Bon, bah alors, oui, on coupe et on met le numéro 2. Oui. Un générique qui a quand même sa patte, sa particularité. Donc, je pense qu'on peut le reconnaître assez facilement. C'était le générique de Bridgerton. Voilà. Oh, ah bah oui, qu'on recommande fortement. Oui, bah j'ai vu aussi. Ensuite, on va partir sur une critique de série qui est plutôt négative. Vraiment, Patrick, c'est lui qui a écrit la critique. Il était plutôt énervé le soir où il a écrit ça. C'est parti, écoutez bien. Une troisième version qui naît, cette fois-ci en France, après le Royaume-Uni et les US, et dire que ces nouveaux épisodes sont véritablement un copier-coller de la version originale serait un euphémisme. Le problème, c'est que le couple principal est tellement débile, Ghost. Particulièrement je crois que c'est Ghost. On ne peut pas croire qu'il reste dans Est-ce cet endroit une seconde et qu'il chope un prêt en deux minutes. C'est tellement ridicule. Un mini peu de réalisme, ça aide, surtout en comédie. De quelle série parle-t-on? Ce serait pas Ghost. Oh là là, pff, il est trop rapide. Fantôme en héritage. Ça dépend, ça prend la version française. Allons-y. Ah oui, non, c'est peut-être la version. Vous avez peut-être droit de proposer autre chose, hein, me trompe. Hein. Non. Bah, écoute, c'est ça. Moi, est-ce que je peux parler de la version japonaise? Ou alors c'est la version originale. Comment ça s'appelait Ghost? C'était Ghost? C'est Ghost, pareil. Et ça fait Ghost tout court, il n'y a pas autre chose. Il y a un indice Ghost en anglais, c'est fantôme. Donc. Je sais, mais je pensais qu'il y avait autre chose que Ghost. Non, je suis pas. C'est pour ça que Ghostbusters. Voilà. Allons-y. Il m'a fallu atteindre les 50 balais pour comprendre le titre du film des années 80. Alors allons-y, vite, numéro 3. C'était de la série Ghost, fantôme en héritage que je parlais. Elle a été diffusée cette semaine sur TF1. C'est un peu là que je l'ai découverte, même si je crois qu'elle date un peu puisqu'elle était disponible sur Disney Plus avant. C'est exact. Mais franchement, j'aime beaucoup, je recommande. Bon, oui, je recommande Patrick aussi. Ne la recommande pas du tout, mais je trouve que c'est sympa. Bon, sans plus, mais c'est sympa à regarder le soir, ça fait rire. Franchement, bonne ambiance. Voilà. On termine avec une charade. C'est la charade que j'aurais dû vous faire la semaine dernière, mais on a été un peu écourté parce qu'on manquait de temps. Ça donc semble voilà. Proche. Écoutez bien vos oreilles, je vais répéter plusieurs fois, puisque je pense qu'elle est un peu compliquée quand même. Ok. Mon premier est un préfixe qui signifie « deux ». Mon premier est un préfixe qui signifie « deux ». Mon deuxième est le symbole chimique de l'iradium. J'ai un peu abusé sur là. Mon deuxième est le symbole chimique de l'iradium. Mon tout, en anglais, est un animal fort et poilu que l'on trouve dans les forêts. Qui suis-je? Et c'est un rapport avec une série, ça? Oui. Un fox. Mon premier... Un fox terrier. Premier, j'ai déjà oublié. Franchement, fixe. Le truc d'iradium. Là, c'est iradium, ça doit être ira. Donc, ira fox. Mon tout est un animal. Shakira. Oui, mais à rapport avec un. Non, c'est une pas série. Ça. Qu'est-ce qu'il y a comme série actuelle? Waouh. Pluribus. Ouais, c'est ça plus... pourrait pas être ça parce que ira il y a pluribus c'est comment elle s'appelle la série c'est pluribus qu'on vient de parler plus il y a des chances ouais, mais un animal pluribus dans la nature écoute pluribus elle a... c'est du latin pluribus elle a fumé bah écoute tentons moi je tente pluribus moi je tente rien ouais moi je tente c'est Shakira moi j'ai dit Shakira moi je tente Macron parce qu'il y a ira pluribus plurin. Mais là, sans deux, deux en deux. Un rat plus rabus. Ah, allez, il y a pluribus. Pluribus. Allez, moi je. Alors, je suis un malentendu. Alors, toi c'est pluribus, toi c'est quoi? Shakira. Shakira. Et moi je dis Macron. Il y a peut-être une série Shakira qui existe. Rigolé. Donc on y va. On découvre qui a raison. Moi je pense que c'est moi Macron, ça doit être ça. Ouais, j'ai peur. Écoutez ce que je viens de faire. Je viens de dire écoutez bien vos oreilles. Oui, c'est vrai. Je le laisse parce que franchement c'est drôle, mais je suis fatiguée, c'était la fin de semaine. Bref, est-ce que vous avez trouvé? Symbole chimique de l'uranium, j'avoue que c'était compliqué, mais c'était IR. IR, ouais. Le préfixe qui signifie 2, c'est bi, donc bi plus IR, beer. Et donc je parlais bien de la série The Beer sur Disney+, que Benoît a recommandé. C'est The Beer, déjà. Cet épisode c'est pas beer en anglais. Vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, je vous fais Mais bravo, bravo. Ah bah surtout, bravo. Puisque tu l'adores, cette série. J'adore cette série. Ah, mais je pensais pas que c'était un animal en anglais. Bah oui. C'est là où je me suis fait avoir. Alors, bravo. Bravo. Moi, je... Marc Harris, hein, c'est ça. Je suis Marc Harris. Mais Shakira, j'étais pas loin. Ah oui, oui, bah moi... N'empêche qu'on avait le plus dur. On avait le plus dur, le IR. Ah oui. On avait tous les deux le IR. On avait trouvé le plus dur, le stadium de... Sauf Macron, j'ai pas compris. Mais... Macron bah moi non plus. Hein. Le IRA, Macri. Ouais. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Destination Série. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec toujours autant de plaisir. Bon et week-end. Tout de suite, bon week-end.